Et c'est le Red Champagne. C'est une boisson unique, au goût unique. Et avec le beau temps qui arrive, il fait bon se désaltérer avec le Red Champagne, au goût qui nous ressemble. En ouvrant une bouteille de Red Champagne, vous sentez ce bon goût de pomme rouge. Au cours de l'été, ne vous privez pas du plaisir de déguster Red Champagne. Red Champagne, disponible partout. Philippe Simard et fils, distributeur de Red Champagne, salue le mois de l'arbre et de la forêt. Dernière chronique de l'année avec notre ami Phil Desgagnés. Dolbo Auto a décidé de souligner le mois de l'arbre et de la forêt en vous proposant le Silverado 1500 édition 4x4 à seulement $175 aux deux semaines, à 1,5% de location pendant 48 mois ou obtenez $11,000 sur certains camions. Dolbo Auto, 1770 Boulevard Wahlberg, au téléphone 418-276-0580. On va parler de course à pied. Il y a Alex Bussière qui a connu un hiver plutôt tranquille. Là, je pense qu'il a recommencé pas mal l'entraînement pour une été chargée. Quoi qu'il en soit, on va prendre de ses nouvelles. Salut, Alex. Salut, Danny. Alex, tu te retrouves dans le Utah. C'est loin, ça? Ouais, en effet. Mais un peu comme tu as dit, j'ai pas fait de compétition d'hiver. Okay. Justement parce que j'avais eu plusieurs blessures en lien avec la saison intérieure, parce qu'on court souvent sur une piste indoor. Mm-hmm. C'est une piste de 200 mètres que les courbes sont assez secs, donc c'est plus à risque de blessures. Fait que cette année, avec mon entraîneur, on a décidé de diminuer les pistes intérieures, donc pour faire de compétition, moins d'entraînement. On a fait plus d'entraînement dehors au froid, plus d'entraînement sur le tapis, puis justement, comme tu dis, présentement, je suis vraiment prêt à faire une course été très chargée. Là. OK. Parce que c'est plus compliqué. Qu'est-ce qui est le plus dur pour le corps? Est-ce que c'est en salle ou dehors? Ouais, c'est vraiment en salle. Là. Parce que, tu sais, justement, on fait tout le temps, c'est une piste de 200 mètres. Fait que, tu sais, au lieu de faire, mettons, 5 tours pour faire un 2000 mètres, ben, c'est 10 tours. Fait que c'est sûr qu'à force de tourner tout le temps, on a tout le temps un côté qui travaille le plus, donc c'est plus rough pour le corps. Et c'est surtout en lien avec ça. Là. OK. Là, pourquoi l'Utah? C'est justement, il y a trois places aux États-Unis qui sont reconnues en altitude, parce que l'altitude, ça va travailler avec tes globules rouges, puis quand tu redescends, t'es vraiment plus en forme. C'est ça, il y a trois gros camps aux États-Unis. T'as Mammoth Lake en Californie, okay. Flagstaff en Arizona, puis t'as Park City au Utah, qui est très près de Salt Lake City, où il y a eu les Jeux Olympiques de 2002. Ouais. Juste en arrière de moi, j'ai des très beaux paysages de montagnes, de ski qu'il y a eu les Jeux Olympiques en 2002, puis c'est vraiment impressionnant. Là. OK. Mais là, t'es pas tout seul là, qui va là? Non, c'est justement... avant, on y allait comme un petit groupe de Rouge et Or, les 6-7 meilleurs. Okay. Mais là, depuis un règlement au niveau du MELS, c'est obligé d'être un camp d'entraînement d'équipe du Québec pour recevoir des subventions du gouvernement. Donc, on est une trentaine d'athlètes au niveau d'équipe du Québec. Avec 5-6 entraîneurs, on est là pour 5 semaines. OK. Puis, justement, on va aller... direct après ces 5 semaines-là, on descend à Portland, en Oregon, pour faire un gros meet international... très relevé, qui est reconnu par tous les Américains et surtout les Européens. Mais Alex, je regarde ça, tu te promènes dans l'Utah, tu es à Portland, j'imagine que ça coûte terriblement cher. As-tu de l'aide pour ça? Oui, ben justement, je voulais en venir à ça. J'ai Jean Dumas, médico-social, okay. me soutiennent financièrement, le club athlétiste du Mille, okay. Ancien club, la ville de Rimouski qui me soutient année après année depuis que j'ai genre 15 ans, fait que j'ai remercié encore vraiment pour ça. J'ai un très grand nouveau partenaire avec Construction Maurice Bilodeau, qui est basé à Lévis. Okay. Qui est rendu, je dirais, mon gros commanditaire Gold. Okay. Puis, justement, il y a aussi Jim Energy, qui, sans nécessairement me donner des trucs monétaires, il m'aide à chaque fois que je viens de Lebo, ben, il me permet d'aller m'entraîner dans leur gym. Fait que, ouais. C'est quand même une grande différence, surtout l'hiver, quand je peux utiliser leur tapis roulant, on va te dire. Hein, parce que les hivers à Lebo sont frais dans ta barouette. Ouais. Puis surtout ma famille qui me soutiennent tout le temps. Mais Alex, si on parlait un peu de tout ça, là c'est Portland, donc c'est l'Oregon, donc et par la suite, j'imagine que tu vas revenir au Québec? Ouais, exact, c'est ça, comme dans le fond, c'est que comme deux gros pics de performance suite à un entraînement en altitude, c'est un à deux jours direct en descendant, Et ensuite, tu as un 2 semaines. Puis après ça, ça reste à l'entraîneur de continuer un peu à comme, peaufiner l'entraînement pour tenir ce pic de performance-là. Mm-hmm. Donc, justement, on va aller à Portland 1 ou 2 jours après et avoir descendu de l'altitude. Ensuite, on a une grosse compétition. Toutes les compétitions cette année vont être pas mal au Québec. C'est ça qui est très différent. Souvent, on va aux États-Unis puis tout. Ouais. Mais là, ils ont comme décidé de mettre un peu d'ampleur, de vouloir avoir aussi des grosses compétitions de performance au Québec. Donc, 23 juin, un 800 mètres sur Rouge et Or. Okay. Donc, justement, en 2015, c'est là que j'avais fait mon record personnel de 1 minute 48, qui m'avait rapproché à 2,6 secondes du standard olympique. Et on va se relancer là-dessus avec justement mon coéquipier Charles-Philibert Thibuteau qui va venir courir le 800 mètres ou qui a un record de 1 minute 47. Donc, ça va être très intéressant d'affronter mon coéquipier. Et après ça, on va aller aux Canadiens en début juillet qui sont situés à Ottawa où, avec mon entraîneur, on va décider si on va faire un 800 mètres ou un 1500 mètres. Et par la suite, il va y avoir le 11 juillet, le 13 juillet, pour une première édition qui va s'appeler la série Montréal-Québec. C'est un peu aux allusions du Canadien puis des Nordiques. Où que justement, ça va être le 11 juillet, je vais courir un 800 mètres. C'est des vagues nationales / internationales. Donc, on va éviter des Américains de niveau quand même élevé. Et le 13 juillet, je vais courir à Québec le 1500 mètres. Okay. Après ça, ça va être des petites compétitions au niveau, mettons, championnat provincial senior. Vu que c'est à Québec, on va tout mettre nos éléments. Puis ensuite, ça va dépendre aussi justement de mes commanditaires et de mon financement. Ça serait intéressant, si je suis très en forme, d'aller en Europe parce qu'il y a une équipe du Québec de 5-6 athlètes qui vont aller en Europe justement de demi-fond pour aller... Parce qu'en général, c'est plus que la saison avance, plus qu'on s'en vient en forme. Fait, rendu en haut, c'est le temps le fun d'aller faire des compétitions en Europe. Encore là, c'est quand même un très gros coup, fait que ça va dépendre de rendu là. OK. Si on parlait... Mais Alex, je regarde ça, là, t'as l'air aussi motivé qu'il y a 6, 7, 8 ans. Ouais. Tu sais, qu'est-ce qui te motive? Tu regardes ça, là, normalement, les athlètes, tu sais, normalement, c'est un but, c'est les Olympiques, et ainsi de suite. Mais là, on parle pas d'Olympiques, on parle pas de rien, puis t'as l'air aussi motivé. Qu'est-ce qui te motive autant? Ben, donc, c'est sûr que ça fait déjà 11 ans que je pratique ce sport. Ouais. Fait que, je veux pas avoir mis toutes ces bases-là pour rien, tu sais. Okay. C'est quand même beaucoup de temps que j'ai mis depuis que je suis tout jeune. Jocelyn pourrait en témoigner. J'ai toujours été aux entraînements, puis j'ai pas arrêté de faire ça. J'ai même rendu à l'université, même en travaillant pour ramasser des sous. Donc, c'est sûr que ça, tu sais, je me dis, je peux pas abandonner ça à 24 ans. T'sais, le pic de performance d'un athlète d'athlétisme, ça va être 28 à 31 ans. Donc, je suis encore quand même très loin du pic de performance, entre guillemets. Parce que 4 à 6 ans, on parle encore quasiment d'un cycle olympique. Mm. Donc, c'est sûr que pour moi, ça, c'est une de mes motivations. Sinon, je vais avouer que, tu sais, ma performance de record canadien en 2013, elle m'avait comme donné un bon boost. Ensuite, ma performance d'une minute 48 au 800 mètres en 2015 m'a redonné un gros boost en me disant, bon, 2,6 secondes du standard olympique, si je vise 2020-2024 à très long terme, c'est réalisable sans nécessairement que ce soit l'objectif, tu sais. Genre, je me mets pas de pression non plus avec ça. Je sais qu'il y a plusieurs athlètes qui se rendent à une 48 puis qui font jamais une 45 qui est standard olympique. OK. En gardant toujours un peu l'objectif en tête que, tu sais, je suis pas loin de ce chrono-là. Si je fais tout pour y arriver, si je travaille bien, si je mange bien, si je dors bien, si mes entraînements vont super bien, si j'écoute mon entraîneur, ben, je vais avoir fait le meilleur possible pour y arriver. Donc, moi, c'est sûr qu'en sortant de ma carrière sportive, si je me laisse encore un bon 6-7 ans, okay, ben, je veux avoir un sentiment d'accompli, d'avoir fait tout ce que j'avais à faire pour me rendre à ma plus haute performance possible. Bon, ben c'est au moins ça de me motivant, puis c'est au moins ça qui sans en vivre, parce que les athlètes amateurs ne vivent pas beaucoup, c'est au moins se rendre vraiment au maximum de ce que tu as fait, de ton talent. C'est ça que tu veux? Ouais, exact. OK. Alex, tu vas-tu venir à Dolbeau cet été? Ouais, certainement. Je vais passer un petit tour, voir ma famille, mon ancien club et tout, comme okay. D'habitude. Ben Alex, on va te souhaiter la meilleure des chances. Bon séjour aux États-Unis, ben on va avoir l'occasion de se reparler à quelques reprises sûrement durant l'été. Parfait. Parfait, merci beaucoup. Alex Bussière de Dolboom, c'est ce qui se trouve à l'Utah, en camp d'entraînement.